Chapitre 7. Oublies-tu, Jean, que dans 2 mois tu vas tirer au sort, dit un matin Régalard. Sais-tu ce que m'a dit ton père hier à Saint-Pierre-sur-Dive, que tu n'avais qu'une chose à faire, étant donné tes goûts, t'engager tout de suite et faire ta carrière militaire. On ne te laisserait manquer de rien. Tu arriverais assez promptement à être gradé. Un officier a des loisirs, et combien d'entre eux pourraient envier la position que tu auras? Ton service ne t'empêchera pas de faire de la littérature. Jean refusa tout net les propositions de son oncle. Il tirera au sort. Il pouvait espérer la chance de mettre la main sur un bon numéro, et alors de ne faire qu'une année de service, ce qui serait vite passé. Mais être soldat, il avait trop l'amour de l'indépendance pour penser un seul instant à vivre dans une obéissance passive et continuelle, sous la domination de vieilles culottes de peau. Vienne une guerre, et on le verrait. La place du poète n'est pas en tête des bataillons, se disait-il, mais à l'arrière, avec la musique. Il ferait en pareil cas des chants qui enflammeraient les troupes. Tirté est aussi connu qu'Annibal, et fit remporter autant de victoires. Il n'eut pas à s'inquiéter du service militaire, car la veille du tirage au sort, Picot mourut d'une bronchite mal soignée. Jean devenait fils de veuve et était exempté. Il pleura un peu son père, oubliant toutes les tracasseries qu'il lui avait fait subir pour ne songer qu'à ses vertus modestes et ignorées. Madame Picot ne pouvant vivre seule à Saint-Pierre-sur-Dive, il fut décidé qu'elle vendrait son fonds de porcelaine et ustensiles de ménage, et habiterait au Billot avec son frère Régalard et son fils Jean. Comme elle avait été mariée sous le régime de la communauté, Jean ne recevait pas l'héritage de son père, qui passait à la survivante. Alors, débarrassée des soucis matériels, Madame Picot, qui remettait ses rentes régulièrement à Régalard, pour sa nourriture et son entretien, ne parla plus à Jean de son inaction. Son genre de vie était admis. Il commençait à trouver naturel que ce fils heureux vécût en entier, puisqu'il devait l'être un jour. Madame Picot n'avait qu'un souci, étant dévote. Jean n'accomplissait pas ses devoirs religieux, et elle découvrait des preuves de ses relations coupables avec la servante, qui alors était la 5e de la série. Régalard avait soin de renvoyer les maîtresses de son neveu lorsqu'elle prenait trop d'autorité dans la maison.